un numéro spécial de l'humanité. Le produit de la vente de l'humain intégralement versé aux grévistes. Le seul journal qui a refusé de diffuser le plan Juppé. 6 francs pour les grévistes. Le produit de la vente intégralement versé aux grévistes. Chaud les grévistes. Le produit de la vente intégralement versé aux grévistes. La colère. Contre le chômage et la misère, vol,